est arrivé demain, t'sais. Il vaudrait mieux tout lui dire. Je lui dois. Il n'y aura que cette fois, je te le jure, crois-moi. C'est ce que je lui disais, mais c'est comme si elle savait. Tout ira pour le mieux, nous sommes à l'intérieur. Quand on aura ce qu'on veut, on rejoindra le chauffeur. Il faut longer les couloirs, il ne faut pas se faire voir. La serrure est magnétique, c'est derrière qu'il y a le fric. Mais la porte n'ouvre pas, il faut prendre une décision. Si on montait sur le toit, ça semble être une solution. Alpha Delta, réponds-moi, as-tu trouvé une issue? Les caméras nous. Il ne répond plus. Il n'y a rien de normal. Aucun message n'est reçu. On se verra à Dorval. On fait tous comme convenu. Il faut quitter cet endroit. Abandonnons la mission. C'est à chacun pour soi. Abandonner la mission. Faudra pas que tu crois ce qu'on te raconte. Et qu'on m'enferme pendant longtemps, tu diras que je suis mauvais. Tu as raison, je l'admets. Lorsque je sortirai, j'aurai du temps à venger. Il me faudra le retrouver pour que cette histoire soit terminée. Mais si les doigts, il a passé. En portant ce vol agilisé, il aura une déception, une normale rectification, une correction. Et toi recevoir pour avoir été aussi avant, puisque mon crime n'est pas si grave. Je te le donne à toi, il est en guise de remerciement pour m'avoir aidé tout ce temps.